Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode 38 de Marvelicious. Épisode 38 consacré au film, nouveau film du MCU, Deadpool et Wolverine. Et d'ailleurs, ça s'appelle pas Deadpool 3, mais Deadpool et Wolverine. Voilà, on fait le point avec Mika pendant ses congés d'été. Voilà, on a décidé de vous faire un petit point sur le film, le box-office, et puis vous parler des caméos, puisqu'en fait, ce film est fourni de manière très dense en caméos. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bye. Bienvenue pour cet épisode 38 de Marvelicious. Aujourd'hui, on est avec le plus beau, le viking du sud de la France. Il est en compagnie. On va faire un petit épisode à l'ancienne. Bonjour Mika. Et bonjour. Tu vas bien? Eh, toujours. Ouais, à l'ancienne, on n'est que tous les deux. Ouais, ça faisait longtemps. Ouais, alors Pauline nous a abandonnés. Amandine nous a abandonnés. Tony nous a abandonnés. Olivier nous a abandonnés alors que d'habitude, il nous abandonne jamais. Tout le monde nous abandonne. C'est horrible. Voilà. Mais bon, il y en a qui n'ont pas vu le film aujourd'hui. Deadpool et Wolverine. Ah, t'as mis t-shirt. Ah, I am a unicorn et Deadpool avec une hache dans la tête. C'est super. C'est dans le thème, du coup. On va parler de Deadpool et Wolverine. Donc attention les gens, on va spoiler. Donc du coup, si je vous conseille de l'écouter après. Hein, c'est le but. Surtout qu'on va faire bon, ça va pas être un podcast non plus très long, plutôt chill. On va parler du film et puis on va parler aussi des caméos, parce qu'en fait ce film là est bourré de caméos. D'ailleurs des fois dès qu'il y en avait un, c'était l'euphorie. Enfin, je sais pas, toi dans la salle, nous pas trop, les gens, enfin seuls ceux qui étaient connaisseurs avaient été un peu euphoriques, mais sinon Ouais, sinon il y a eu quand même pas mal de monde. Après, moi je suis allé le voir à un moment donné où je savais qu'il n'y aurait pas grand monde histoire qu'on le fasse. Justement. Donc, on verra et puis on va parler un petit peu de l'accueil que toi tu as, moi je l'ai, l'accueil qu'on a réservé au film et nos espérances pour la suite. Voilà. Alors, Deadpool et Wolverine et non pas Deadpool 3, si tu as remarqué. Et non pas Deadpool 3, je pense qu'ils ont fait ça pour l'entrée dans le MCU exprès, justement. Je pense aussi, donc 34e film du MCU, pardon, 4e de la phase 5, et on a Deadpool, toujours interprété par Ryan Reynolds, donc c'est pas un variant, je confonds avec l'attaque des titans, disons. Un variant, ça n'a rien à voir, un variant, et puis Ryan Reynolds, et puis Wolverine, Hugh Jackman, voilà le fameux Wolverine que nous connaissons. D'ailleurs, j'avais cru comprendre qu'il ne voulait pas forcément reprendre le costume, enfin du moins le personnage, et encore moins mettre le costume jaune. Enfin, je ne sais pas si toi, tu t'en souviens de ça à peu près. Alors, il ne voulait pas reprendre le rôle parce qu'il se sentait trop vieux pour ça, qu'il fallait passer un peu. Oh, ça passe. Il ne voulait pas rester enfermé dans le personnage surtout. Mais je pense que le fait qu'il soit très ami avec Ryan Reynolds et qu'il y avait quand même un gros scénario sur le retour, qu'il y avait beaucoup de choses qui amenaient a fait qu'il a signé de suite, d'autant plus qu'il avait dit que s'il pouvait avoir un petit combat contre Hulk ou des choses comme ça, il reviendrait. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a une ref. Voilà. Et on a donc, du coup, ce sont deux personnages aussi qui n'appartiennent pas de base à la maison Disney, puisqu'avant ça appartenait à la Fox. Et en fait, c'est un film, moi, que j'ai trouvé qui faisait un peu la transition entre les deux, entre le départ de la Fox et l'arrivée chez Disney. Puisqu'en fait, il y a un passage où justement, il met un coup de boule au caméraman en disant « J'emmerde la Fox, merci Disney hein. ». À mon souvenir, il y a un passage comme ça. Voilà, donc on a quand même deux personnages qui ne sont pas issus de Disney, de l'univers Disney, mais de l'univers de la Fox. Avec le rachat de la Fox par Disney, bah, ça change de couleur puisque les X-Men peuvent enfin rentrer dans le MCU. Alors, ils étaient déjà rentrés par le MCU par le biais de Captain Marvel 2. Voilà, si je ne me trompe pas, oui, c'était celui-là. Et puis bah, maintenant, bah, c'est officiel, on ne peut pas dire le contraire. Hein, ça y est, ils sont en plein dedans. Voilà, et alors moi j'ai l'impression qu'on est donc on est dans l'univers 10005 et pas 616, le nôtre, enfin non, le nôtre, celui du MCU, on est 10005 à mon souvenir, et c'est le même univers que le dernier film de avec Wolverine, Logan, si je me trompe pas. Du coup, c'est le même univers que toute la franchise, visiblement, Fox. Voilà, puisqu'en plus c'est le même univers avec Wolverine Origins où là on voit la première fois Ryan Reynolds en Wade Wilson, Ouais. mais pas encore en Deadpool comme ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. En tout cas, c'est sûr, c'est que c'est dans le même univers que Logan. Voilà. Voilà. Donc on est 6 ans après les événements de Deadpool 2. Donc on a Wade Wilson qui est bah, commercial. Il vend des voitures. Voilà. Oui. Avec son copain Peter. Voilà. Qui est très drôle, toujours. Il n'intervient pas beaucoup, mais quand il interview, c'est très drôle. Du coup, on arrive après qu'il ait joué un peu avec le. Qu'il ait joué complètement d'ailleurs avec le bracelet de Cable. Totalement même, Ouais, puisqu'il a ouais. modifié toute sa propre timeline, les événements, voyager dans d'autres dimensions. Voilà, bah, puisqu'il arrive dans l'univers 616 pour essayer d'être recruté par les Avengers aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Passage-là. J'ai un petit regret. Pour le coup, c'est un C'est quand peu. il voit Happy? C'est ça. Petit regret de mon meilleur ami, surtout, qui a fait le lien. Moi, j'avais oublié, mais en fait, le Happy, c'était aussi Foggy dans le film Daredevil, qui n'a pas eu un petit clin d'œil à ce moment-là. Ouais, bon. C'est pas. Oui, c'est vrai. Putain, maintenant tu le dis. Oui. Celui avec Ben Affleck en plus. C'est Donc, ça. voilà. Et son monde. Alors, la TVA vient le chercher parce que. Son monde est en train de mourir. Voilà. Alors, il faut 2 millénaires, on comprend, pour qu'un univers meure. Voilà, parce qu'il a perdu son. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. En fait, son perso, sa sorte de personnage fétiche, en fait, je crois, qui tient le C'est monde. l'hiver, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, c'était Wolverine chez eux. Et vu qu'il est mort, bah, du coup, l'univers est en train de mourir petit à petit, mais 2 millénaires. Et les agents de la TVA, donc notamment l'agent Paradox, qu'on ne connaissait pas avant, vient le chercher. Pour mettre fin à son univers plus tôt, voilà, grâce à une machine, et puis du coup il va faire plusieurs univers Deadpool pour essayer de choper un Wolverine pour le ramener dans son univers. Je crois que j'ai résumé la totalité. À peu près, ouais, ils veulent le ramener pour le ramener dans l'univers 616 et faire de Non, manière le officielle. non, 10005, 10005. Non, il est dans le 10005. Il vient te chercher en lui disant ton univers va mourir. Je te passe dans l'univers 616. Par contre, tout le monde va crever. Je sais plus. C'est pour ça que Deadpool dit non, mais moi je veux pas perdre mes amis. Bah, c'est pour ça qu'il part à la recherche d'un Wolverine pour remplacer son Wolverine à lui. Oui, mais dans le monde de 10005. À l'origine, c'était parce que Paradox lui propose de détruire l'univers 10005, mais de l'intégrer à l'univers 616. Oui, mais du coup, il va chercher Wolverine pour aller dans l'univers 10005. Pour justement éviter que son. Pour sauver le 10005, ouais. C'est ça, voilà. Oui, parce que j'avais cru. À un moment, tu dis, je crois que j'ai cru entendre dire qu'il est là pour sauver l'univers 616 et j'avais pas. Bon, c'est peut-être moi qui ai mal compris. Voilà, bon, bref, voilà. Du coup, j'ai résumé à peu près et voilà. Donc, de fait, on a. J'ai envie de te poser une question tout de suite. Est-ce que pour toi, l'intro est l'une des meilleures que tu aies vues de tous les films du MCU? Je dirais pas l'une des meilleures, je pense même que c'est la meilleure intro que Ouais, c'est la meilleure. les films existants de super-héros tout inclus. J'ai trouvé ça tellement à la fois crade et hilarant, j'en pouvais plus tout le long de ce passage. Alors oui, sachant que l'une des meilleures avant, du moins les fans disaient tous que c'était Gardien Galaxy 1 avec Star-Lord. Quand tu sais, il rentre dans le sorte de mausolée avec la musique. Ou Kachaka, je sais pas comment ça s'appelle cette musique-là, voilà. Et en fait, celle-là, elle surpasse, mais à tous les niveaux. Elle surpasse tout, franchement. Ouais, tout. Déjà, le début du film, où il creuse, et enfin, on va spoil de toute façon bien violemment, quand il creuse en étant persuadé de pouvoir retrouver Wolverine de son univers, que non, il n'est pas mort. Et qu'au final, bah si, il trouve le cadavre et que y a ce combat qui démarre où il respecte ce qu'il a dit, puisqu'il a précisé qu'il n'utiliserait pas ses armes. Donc il utilise le cadavre, le squelette en C'est adamantium. ça. Et d'ailleurs, il met les griffes. C'est énorme. Et là, et c'est une scène d'action qui est mémorable, tu t'en souviendrais toujours, avec une musique des NSYNC, Bye Bye, qui est tout simplement bien placée. Voilà, qui est géniale, qui va tellement bien avec l'univers Deadpool. C'était génial. Puis oui, quand il met les griffes, qui n'en a pas rêvé de pouvoir mettre les griffes de Wolverine? Et puis, le fait qu'il ne sache pas s'en servir, en plus, c'est encore plus drôle de se dire, c'est peut-être pas si simple de se battre avec ça, finalement. Ouais. Et puis, ce qui est drôle, c'est qu'il va, à un moment l'utiliser, il met, je crois, dans le cul d'un gars, c'est coincé, donc le gars, il a quatre pattes, puis un autre qui arrive, puis il est coincé avec lui. C'est ça, puis il est dans les deux, et celui qui l'a dans le cul est en train de hurler, non, je veux pas mourir comme ça, pas comme ça. C'est ça. Donc, c'est à la fois sanglant, c'est à la fois drôle par la chorégraphie du combat et de l'usage du corps de Logan en adamantium, et c'est drôle aussi, de fait, bah, quand il combat. Artistiquement, c'est très drôle. Hein, c'est très très drôle. Voilà. Et étonnamment, je trouve que ce film est quand même le moins sanglant et le moins crade de tes trois Deadpool. Et c'est pourtant, clair qu'il est en R-rated et j'ai pas compris. Tu pouvais le mettre interdit au moins de 16 ans, je pense. Ouais, bah, je pense qu'ils l'ont classé comme ça parce qu'ils sont un peu coincés du derche. Dans le doute. Bon, après, je sais qu'aux États-Unis, ils sont plus sévères que nous en Europe. Bah, chez nous, il sera sûrement déconseillé au moins de 12 ans, comme d'habitude, quoi. Je crois qu'il est à moins de... Ouais, je crois qu'il est à moins de 12 ans qu'on a été le voir. Ma fille voulait le voir, j'ai regardé, j'ai dit non, c'est moins de 12 ans, tu peux pas. Mais pendant, il y avait des gosses quand même. Mais voilà, C'est pas interdit chez ouais, nous. Ouais, mais vaut mieux pas. Enfin, pour ceux qui ont des enfants moins de 12 ans, c'est pas forcément la fin vu du combat, à la limite, s'ils sont... Mais c'est plutôt, il y a des blagues salaces très calécues, et du coup, voilà, ça peut... Nous, on peut comprendre, mais ça peut pour des enfants... Voilà, qui sont pas très. Ça peut rentrer facilement dans les oreilles. Enfin, voilà. Moi, je ne conseillerais pas moins de 16 ans, mais je crois que c'est 12 ans, je crois. Voilà. À mon souvenir. Du gamin, je dirais. Hein? Ça va dépendre du gamin. Ouais, ça va dépendre du gamin, effectivement. Voilà. Du coup, l'interprétation de Deadpool par notre ami Ryan Reynolds, bah, du coup, c'est pareil, toujours aussi déconnant. Là, Ryan Reynolds, je pense qu'il a toujours le personnage dans la peau. Je pense qu'il est Deadpool, hein. Il n'y a même plus de questions à se poser. Hein, à ce on aura du mal à voir quelqu'un d'autre à sa place. Voilà. Bon, je ne pense pas qu'on verra de toute façon quelqu'un d'autre. De toute façon, il est le seul à avoir interprété sous tous ces aspects véritablement. Oui. Complètement. Complètement. Et Wolverine, bah, Hugh Jackman. Donc Hugh Jackman, bah, ça fait plaisir de le revoir. Grand plaisir. Et tu vois, même s'il a vieilli, je trouve que ça lui va toujours aussi bien. Bah, étrangement, pour avoir revu les premiers films X-Men assez récemment et même à la fin, tu sais, dans la scène post-G, enfin, pendant le déroulement du générique, de le revoir jeune. Oui, c'est choquant. Enfin, tu dis waouh. Tellement mieux maintenant, presque. Il est tellement plus, je trouve, dans la peau du perso aigri, violent, tout ce qu'on veut, que ce qu'il l'était finalement quand il était plus jeune. C'est vrai que ça fait bizarre de le voir jeune. J'ai presque que je le reconnaissais faut pas. Faut savoir aussi, pour ceux qui vont le voir, il y a. Enfin, moi, je l'ai perçu quand même comme un film hommage à la Fox et à la saga X-Men quand même, parce que on va parler des caméos après, mais il y a beaucoup de caméos sur la saga des X-Men. Et puis il y a lors de l'intro du générique de fin, en fait, on voit une sorte de bêtisier sur tous les X-Men qu'il y a pu avoir, et ça fait plaisir de les voir plus jeunes, les voir déconner aussi entre eux en qualité d'acteur. Puis bon, après, je pense que c'est un hommage pour dire voilà, la Fox, c'est fini. Les X-Men, c'est fini dans le cadre de la Fox. Maintenant, Disney a repris. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un hommage. Je sais pas si tu l'as pris comme ça, mais. Pour dire voilà, on a fait ce qu'il y a eu déjà. Moi, je l'ai ressenti un petit peu comme ça, ce petit côté hommage. Montrer tout ce qu'il y a eu aussi, puis un petit rappel que tu as pris toutes ces années dans la gueule au passage, toi aussi. Oui, c'est ça, ouais. Ah oui. Oui. C'était 2000, le premier X-Men, je me rappelle ouais, quand elle est l'autre. Donc il y a 24 ans, voilà, prends ça dans ta gueule. en plus, c'était en août qu'il était sorti, X-Men, de souvenir. le premier. Donc c'est ouais, c'était un peu voilà, un petit hommage qui fait du bien, qui fait plaisir. Au revoir. Oui, clairement. Puis les voir plus jeunes, surtout Hugh Jackman, ça fait vraiment bizarre. Ouais, Voilà. Hugh Jackman, surtout qui Oh, on c'est un dirait petit peu jeune, c'est cringe. jeune gars de la fac, c'est l'université qui sort de l'université. Non, mais Et... j'ai aimé qu'il pose ce passage où justement il expliquait ses craintes de quand il a fait le perso, parce qu'il était méconnu à l'époque, et qu'il disait qu'on va se moquer de moi, je suis pas assez connu. Oui. Et au final, ça passe. Ah, ça passe. Bah, après, ça avait beaucoup gueulé à l'époque, parce que bon, 1m88, le père Jackman, Wolverine, 1m60. Petite Oui. différence de taille. D'ailleurs, très bon petit passage dans les variants de Logan pour Oui, ça. on va en parler tout à l'heure. Du coup, Deadpool et Wolverine, est-ce que tu l'as aimé? Alors, je pense que oui, vu que tu es fan de Deadpool. Oui, j'ai beaucoup aimé le film. Bon, il a ses défauts, comme tous les films. Ouais, mais on va dire que c'est quand même un bon film Marvel, ça fait longtemps. Dans l'ensemble, c'est un très bon film Marvel, même si le scénario tient sur un post-it. Oui, divertissant, voilà, c'est ça, je voulais dire. Il est divertissant. Oui, il est extrêmement Et divertissant. léger, ça passe. Tout ce qui est dedans, en fait, tu t'emmerdes pas. Tu n'as pas le temps de Non, t'emmerder, de toute non. façon. On te met dans la gueule entre les caméos, les personnages, les blagues. Tout est posé avec un très bon rythme. Tu n'as pas le temps de te faire chier. Non, la Et musique est bien. la musique est géniale. Enfin, le film en lui-même est vraiment excellent. C'est un très, très bon divertissement. Tu vois pas les 2 h 30 passer. Et moi, je l'ai pris comme, tu sais, le dernier Spider-Man No Way Home. Je l'ai pris pareil. Content de le voir, enfin, content d'un bon divertissement et tout. Enfin, Content de revoir Wolverine, d'enfin avoir ce putain de duo, quoi, bordel. voilà. Ouais. Des deux. Attends, Wolverine et Hulk, peut-être. Mais. Un petit clin d'œil qui est posé, mais je pense que, comme dirait Deadpool, ils vont le tirer jusqu'à ses 90 ans, le père Jackman. Ouais. Donc. Bah, il peut encore jouer, hein. Là, t'as l'impression qu'il peut continuer encore à en faire 4-5, hein, quand tu regardes. Pense qu'il va en faire d'autres, à mon avis, hein. Ouais. Ah oui. Ah oui, tu vois bien qu'en fait, même t'as l'impression que Hugh Jackman a repris du plaisir à rentrer dans ce personnage. Il joue vraiment bien, mais vraiment. Il a toujours gardé cette anime, cette, ce, enfin, il connaît bien le personnage, tu le sens bien. Il l'interprète super bien. On voit bien il s'est imprégné, voilà, du personnage et que du coup, bah, t'as du mal à voir quelqu'un d'autre, quoi. Plus que ce qu'il l'était à une époque en plus, hein, là il est vraiment dedans. Et je suis pas sûr par contre que ce sera le Wolverine du MCU, mais qu'on le revoie, c'est sûr et certain. Oui, même Deadpool, je pense qu'on va le revoir aussi. C'est Oui, même sûr et alors, certain. je pense qu'un le petit Secret Wars Ah, va avant, je être pense. Avant, je pense. sûr avant, mais on verra. Ah, tu sais, faut être surpris maintenant. Oui, et en plus, ça fait du bien. C'est un bon film. Il a mis du temps à sortir. C'est le seul de l'année du MCU à sortir cette année. Le reste, c'est du Sony, je crois, à mon souvenir. C'est que du Sony. Et donc, c'est le seul. Donc. Voilà, on n'a pas, ils n'ont pas joué sur la quantité de cette fois-ci, ils ont joué sur la qualité, ça passe. Franchement, ça passe. Est-ce que tu avais ces attentes-là de ce film-là, toi? Oui, c'est un peu ce que j'attendais du film, donc j'ai pas été déçu. Dieu merci, la bande-annonce, malgré tout ce qu'elle a lâché, elle n'a pas tout lâché. Donc c'est ce qu'ils avaient dit. C'est vrai que Oui. comme ils avaient dit, une grosse partie de la bande-annonce se passe dans la première heure du film, et c'est pas faux, parce que quasiment rien de ce qu'on voit dans la bande-annonce ne se passe dans la deuxième heure. Et ouais, moi je m'attendais essentiellement à un film d'action bourrin, crade, avec les deux persos assez violents et des blagues à la con qui tombent toutes les 5 minutes, plus une tétra chier de caméo. Et c'est ce qu'on a eu. En tout Donc. cas, on a effectivement eu. Alors moi, je sais bien que tu me connais, j'attends rien d'un film parce que si j'attends trop de choses, je suis déçu ou pas assez ou. Voilà, mais j'attendais rien et du coup j'étais très agréablement surpris. Comme, enfin, voilà. Comme toi, ça fait du bien d'avoir un bon film du MCU. Alors juste pour t'informer, c'est que j'ai été voir un peu les résultats au box-office quand même, parce que c'est assez ré révélateur quand même d'un film qui marche. Donc en fait, on est sur, en 3 jours, c'est 205 millions de dollars gagnés en 3 jours. Et comment on est... Au-dessus, attends, je regarde, on est au-dessus en 3 jours, hein, dans la même période de temps, je dis bien. dans la même période de temps. C'est le huitième meilleur démarrage de tous les temps, avec ceux de Black Panther, qui lui avait dans la même période 202 millions. Avengers, 207 millions. Voilà, donc on est, et il a rapporté plus également que Deadpool 1 et Deadpool 2 dans la même période, et des films dédiés à Wolverine. Voilà. Donc on est sur un film qui fonctionne, et d'autant plus qu'ils sont surpris, puisque tu sais, vu que c'est R-rated, ils pensent que ça ramène quand même moins de monde, t'as pas d'enfants réellement qui viennent, etc., etc. Donc t'as moins d'entrées vu que t'as moins d'enfants, etc. Et en fait, non, ils sont surpris du fait que bah, même c'est... les adultes vont le voir. Voilà. Bah, je pense que c'est surtout que la plupart des gamins qui ont grandi avec le MCU sont tous majeurs maintenant, ou au moins suffisamment vieux pour y aller. En plus, R-rated, ça n'empêche pas les enfants d'aller le voir, techniquement. Non, mais bon, ça fait comprendre que les enfants n'ont pas à le voir non plus. Oui, mais après, on en parle des États-Unis, donc je pense qu'il y a des endroits où ils sont un poil. Plus en pensant au reste du monde où il n'est pas classé interdit, donc forcément, il va y avoir du monde qui va aller le voir. Mais en tout cas, ils avaient espéré un minimum 160 à 170 millions dans leurs estimations à la même période, et en fait, ils ont fait 205, quoi, carrément au-dessus. Oui, ils ont largement dépassé, et puis je crois que ça les a bien envoyés. Alors ça, c'est aux États-Unis, parce qu'à l'étranger, je viens de voir, c'est 1,5 milliard de dollars, quand même. Oh non, il a super bien marché, hein. Enfin, il marche super bien, surtout. Et de ce que j'ai pu comprendre, du coup, c'est que ça les a poussés à classer Blade aussi en classé R pour le prochain film, en se disant que si ça marche, autant y aller. Ouais. En sachant que le budget du film, c'est 200 millions. Oh, bon, ça s'est largement rattrapé. Et plus 100 millions de promotion. Donc, du coup, c'est 300 millions. Donc, tu te dis, le remboursement est en cours. Qui doit faire trois fois plus de souvenirs pour être dans la rentabilité complète, il va les dépasser largement. Hein. Oui, voilà, la salle est toujours pleine. Enfin, faut dire ce qu'il y a. Puis là, tu as en 3D. Tu l'as pas fait en 4DX par hasard, toi qui fais tout le temps en 4D? Non, là, j'y suis allé avec ma copine, donc ni 3D, ni en VOST, alors que j'y vais toujours. Ah bah bravo pour un film en amoureux, sympa. Bah, du coup, on allait le voir normalement, comme il se doit. Ouais, je me méfie avec toi. Par contre, je vais retourner le voir en VOST parce qu'il n'y a pas moyen. Bah, c'est vrai qu'en VOST, ça doit être sympa à regarder aussi. En tout cas. Bah, c'est-à-dire qu'il y a un des persos en particulier qui parle français normalement en VO, pour ne pas citer tout de suite le nom, qui est un peu très gogol dans la plupart de ses rôles et qui du coup l'ont fait jouer un peu gogol aussi. Un certain utilisateur de cartes. Arrête, je suis nostalgique de ce film qui n'est jamais sorti. Qui n'est même pas commencé. Du coup, qui n'est jamais venu au monde. Ouais. C'est une façon de parler dans le film. Ouais, mais tu as envie maintenant. Ouais, d'ailleurs, il a énormément remercié Ryan Reynolds de lui avoir donné l'opportunité de pouvoir le jouer. Ouais, de pouvoir jouer, ouais. Bah, ça se voit. Et en plus, il incarne tellement bien le personnage. Tu te dis. On en parlera après, mais voilà. Je te propose, c'est qu'on va pas faire tout le film, parce que les gens ont vu. En tout cas, les gens savent qu'on a aimé, et puis. Et qu'on a aimé le film, la musique, enfin tout. J'ai expliqué le synopsis brièvement, mais bon, comme tu dis, c'est pas non plus un scénario de fou. Hein. Voilà, c'est un bon scénar, mais en fait, quand je le prends comme un film hommage aussi à la Fox, faut dire ce qu'il y a. Donc j'ai relevé quelques caméos. Voilà, j'ai retenu. Si j'en ai oublié, tu me le dis, si tu t'en souviens. Vas-y. Voilà. Alors le premier moi qui m'avait surpris, c'est ce fameux Henry Cavill. En Wolverine, c'est à un moment, en fait, un passage où Deadpool fait plusieurs Wolverines pour trouver le Wolverine qui permettra de remplacer Logan dans son monde. Et donc, du coup, il tombe sur un personnage, un Wolverine vu de dos, plutôt bien baraque d'ailleurs, qui est en train de réparer une moto. Et à mon souvenir, il fait « Ah, j'ai trouvé le sacro Saint Graal », un truc comme ça. Et le Wolverine se retourne, et là, c'est Henry Cavill. Alors, pourquoi Henry Cavill ? Et parce que tu avais beaucoup de rumeurs comme quoi il devait passer chez Marvel pendant très longtemps. Et je pense que le gros délire, justement, de ce qu'il avait été, beaucoup de rumeurs disaient qu'il serait le nouveau Wolverine, qu'il avait la forme pour. Ah oui, la carrure. Que c'est plus pour la blague. D'ailleurs, j'ai été un poil déçu parce que les rumeurs donc, parlaient de Cavill en Wolverine comme variant. Mais il parlait aussi de Daniel Radcliffe en variant pendant très longtemps, comme quoi il jouerait le nouveau Wolverine. Il y a eu beaucoup de rumeurs là-dessus. C'est une farce. Et c'est une farce. Oui, mais tu l'as vu comment il est musclé maintenant. Ouais. Non, j'ai pas vu, faut que je regarde. C'est un monstre de muscles aussi. Hein. D'accord, j'ai Mais pas vu, je regarderai. comme il y avait des photos qui avaient été postées à l'époque où Radcliffe était devenu ultra musclé, et les gens pensaient qu'il allait jouer le nouveau Wolverine parce qu'il avait, il était pas très grand, il avait une carrure qui passait. Et il y avait une rumeur qui disait qu'il jouerait justement un variant de Wolverine. Et je l'ai attendu et je l'ai pas vu, j'étais un peu déçu. J'aurais bien aimé le variant. J'ai entendu, j'ai pas vu, je suis déçu. Voilà. Ouais, un petit peu. Ouais. Par contre, Oh, Kevin, du oui. coup, le Kevin D'ailleurs, Wolverine. Deadpool qui casse le quatrième mur, d'ailleurs, qui nous parle à nous, spectateurs, dit à un moment, vous en avez, je crois qu'il dit à un moment, vous en avez rêvé, regardez, il est là, un truc comme ça, je crois. Dis pas un truc comme ça par hasard. Le voilà, c'est ça, Ouais. le Kevin Wolverine, qui Ouais. d'ailleurs, je crois qu'il est noté en tant que Kevin Wolverine et pas Wolverine dans le générique. En tout cas, j'ai pas fait gaffe, je regarderai. Mais j'irai le revoir, je pense. En tout cas, on a voilà, un petit caméo sympa, rigolo. C'est assez fun. Voilà. Bon, je suis un peu comme toi. Je pense pas que ce soit futur Wolverine. Je pense que là, Hugh Jackman est revenu. Je crois que C'est c'est juste mort. la Ouais, je blague, je pense que pense. c'est juste Oui, pour le délire, effectivement. c'est ça, pour dire, vous en rêviez, on l'a posé juste pour vous faire Alors. montrer ce que vous pourrez donner. Alors, le caméo, le deuxième que j'ai retenu, et honnêtement, il faut savoir, les gens, je sais que je le dis, arrêtez de m'envoyer des passages de TikTok ou Instagram qui me spoilent le film. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, c'est sympa de m'écrire, et voilà, vos opinions, mais m'envoyez pas des extraits des films que vous allez voir tant que j'ai pas vu le film. Parce que je t'explique, Mika, et j'avais déjà dit d'arrêter ça. C'est très gentil de m'écrire. D'ailleurs, je réponds à tous les DM que je reçois. Des fois, je mets un peu de temps. Mais je les réponds. Parce que les gens, en fait, ils m'envoient des. S'ils doivent filmer dans le cinéma où ils sont, et ils m'envoient des morceaux de 10 secondes. Et là, je vois Deadpool. Si tu as... Donc, je clique pas la vidéo. Et là, j'ai vu Chris Evans. Donc, j'ai dit, oh, gars, t'es pas sérieux de me faire ça, quoi. Je vais voir le film pas tout de suite, je vais le voir bientôt. Voilà. Donc, du coup, la grosse question que je m'étais posée, est-ce que Chris Evans revient en Captain America? Est-ce que Chris Evans revient en Johnny Storm, donc la torche humaine pour ceux qui voilà, ou est-ce que Chris Evans vient dans un autre rôle que je ne connaîtrais pas? Tu vois? D'autant plus que sur la photo que j'ai de couverture qu'il m'a donnée, il avait le bras bleu et blanc. Donc du coup, si tu veux, ça mettait le doute. Et puis il paraissait plus jeune aussi. Donc voilà. Donc c'est pas Chris Evans qu'on avait vu de Captain America un peu plus vieux. Donc deuxième caméo. Personnellement, j'ai découvert du coup Chris Evans. Je savais qu'il avait joué à ce moment-là, donc ça m'a spoilé le fait qu'il était dans le film. J'ai pas apprécié et c'est pas sympa, mais en tout cas, il était en Johnny Storm. Voilà, donc référence au Johnny Storm du MCU. Donc les deux premiers, il y en a eu deux, je crois. Ouais, deux, Surfeur C'est d'argent et le... ouais. la Fox. La Fox, toujours la Fox. Donc on a Chris Evans qui est au casting et il reste un peu longtemps quand même. Hein. Et c'est pas juste bonjour, au revoir, alors qu'Henri Cavill. On le voit même pas 10 secondes. J'avoue, quand on le voit de haut avec sa petite veste, machin et tout, alors que j'avais entendu les rumeurs comme quoi il était dedans aussi, comme beaucoup, déjà je l'avais oublié. Puis quand je l'ai vu, j'étais persuadé que ça serait Captain America aussi, Ah j'avais tout oui, oublié. j'ai cru qu'il allait dire Avengers Rassemblement comme il pensait. L'autre est là, il fait, il va le dire, il va le dire, Il va Avengers, dire. on s'en fout. Un quoi? C'est au moment où je Ouais. le tire en feu que je me dis, oh putain, j'avais oublié effectivement que c'était la torche humaine, quoi. Je suis con, il était plus jeune, il était. Ben quand j'ai C'était... vu la tête, il paraît jeune quand même pour être Captain America. Là, Donc il je me m'avait suis un dit, peu. j'ai vu la photo, j'ai fait à mon avis c'est Johnny Storm, mais dans ma tête je me suis dit, bon ben, je sais pas. Bon après voilà c'est voilà. Et on le revoit en scène post-générique. En fait c'est un running gag. Alors je sais pas si vous vous souvenez, c'est quand ils sont attrapés car Cassandra Nova, la méchante. Eh bien, je lui dis ouais, il a dit ça sur toi, plein de trucs et tout. Et t'as Wolverine, il fait non, mais arrête, dis pas ça, non, c'est pas vrai et tout. Et en fait, le running gang du film, c'est est-ce qu'il ment ou pas, en fait, Wolverine. Alors que bah au final Il mentait pas. c'était un petit con quand même. Hein. Oui, c'est ça. Mais en fait, la scène post-générique, j'étais un peu déçu parce que, voilà, c'est là où je me dis, c'est un hommage à la Fox, c'est qu'on n'a pas de lien futur sur un autre film du MCU. C'est Ah bon. juste pour le running gag, Et on tu sais voit ce en que fait ce que dit Johnny. Hein? j'attendais qu'une seule chose, c'est de savoir pourquoi est-ce que Thor il pleure. Bah ouais, mais moi je me suis dit qu'on. Bah pas forcément ça. Ouais, parce qu'en fait, Thor, et on verra après, mais Thor pleure sur la mort de Deadpool. Enfin, ça semble être la mort, je sais pas trop. Petit truc con, cet enfoiré de Ryan Reynolds a quand même fait un post où il disait « Moi, je sais pourquoi Thor pleure. Ah ouais. Mais en fait, je me suis dit, est-ce qu'ils sont en couple ou pas, tu vois? C'était, je sais pas trop. Je sais pas, peut-être. Bon, en tout cas, c'était un bon caméo, j'ai bien aimé. » Voilà, on Oui. a, c'est pas un Chris Evans qui fait figuration comme Henry Cavill, quoi. Il est vraiment présent. Voilà. Bon, il meurt en un claquement de doigts, au sens propre comme au sens figuré. Mais c'est là où on voit toute la force de Cassandra Nova. On a aussi comme autre caméo Jennifer Garner en Elektra. Voilà, alors ça. Voilà, Elektra qu'on la voit dans Daredevil avec, on la voit dans Daredevil avec Ben Affleck, qui est pour moi un film excellent. Même si tout le monde dit non, c'est un nanar et tout. Non. Il est très bien. La Le film version longue, Daredevil. la version coupée, enfin. J'ai pas vu la version longue, il faudrait que je regarde vite. Elektra joue dedans et puis ils ont fait un. Alors, par contre, oui, le spin-off Elektra. Alors ça, oui, là Nul. j'avoue, c'était nul. Nul, nul, nul. Voilà. Et donc, ils ont mis Elektra. Ou d'ailleurs Deadpool, je crois il dit comment va Daredevil ou un truc comme ça, je sais plus. Ou Daredevil est mort et puis ah oh, ok, je sais plus. Oh, bref, elle a l'air de. Oui, je crois qu'il lui dit Daredevil est mort, je crois. Oui, et puis là, il fait « Ah, merde Ah, ouais, je s'en fiche un peu. Alors, je crois qu'elle était avec Ben Affleck avant. Je sais pas si c'est une référence ou quand elle était en couple avec Ben Affleck à l'époque, vu qu'ils se sont séparés maintenant, est-ce que c'est pour dire !» oh, Ben, ok. je sais pas, ils sont toujours amis, apparemment, hein, donc... D'accord. Bon, en tout cas, voilà, ça m'a fait marrer le petit. Le petit Ok, rêve. bon, Bon, ouais, petit après, rêve. elle a sacrément vieilli, hein, Ouais, mais ça fait toujours plaisir de la voir. Elle porte toujours bien le costume quand même, on peut pas dire le contraire. Oui, c'est vrai. Ouais. Et du coup, on la voit aussi, elle n'a pas une petite place non plus de figurant. Et elle se bat aux côtés de Deadpool et Wolverine. Enfin, ouais, j'ai bien aimé, en tout cas. Voilà. Alors, l'autre qui m'a surpris, alors moi, ça m'a surpris, c'était Wesley Snipes en Blade. Moi, ça m'avait d'autant plus surpris. Alors, faut savoir, c'est que il y a un futur Blade qui est prévu, mais il y en a trois déjà qui sont avec Wesley Snipes. Alors, moi, j'ai bien aimé le 1-2. Alors, le 3, par contre, il est voilà, plaqué au sol. Dedans. Et il y a Ryan Reynolds. Et justement, à mon souvenir, il ne s'aime pas, ou il ne s'aimait pas pendant le film, je ne sais plus. Je ne Bah, je sais sais. En tout plus. cas, les deux Non, persos sont mais. pas ça, En c'est tout cas, il sûr. s'aime pas. En tout cas, il s'aime pas, c'est sûr. Et il y a une référence à un moment donné, il lui dit toi je t'aime pas et moi aussi. Un truc comme ça pendant le film. Je sais pas si t'as fait gaffe. Ouais, de toute façon, toi, je t'aime pas. Et oui, c'est qui lui dit, de toute façon, je t'aime pas. Oui, ça. Et à un moment, il dit il n'y aura qu'un seul Blade, il n'y aura jamais qu'un seul Blade, ou je ne sais quoi. Voilà, ça m'a fait marrer. Donc on Oui, a surtout Blade et. qui regarde l'écran du genre on lui dit ou pas. Et ça. Donc bon, ça c'était c'est Mahershala Ali qui doit jouer Blade, je crois, à mon souvenir. Voilà. Mais il sort Il y pas avait... ce film-là. Faut peut-être que vous le sortiez hein, quand même un peu à un moment donné. Sauf Blade, c'est un personnage qui est beaucoup aimé. Donc voilà. Et on a oui, je suis en train de regarder en même temps. Effectivement, donc j'avais raison. Il y avait bien une référence à leur mésentente au film Blade Trinity. Du fait que en fait il lui dit viens toi je t'aime pas, il lui répond ouais, moi non plus, c'est réciproque. Voilà. Donc c'est une référence à ça. Mais après peut-être qu'ils s'aiment aujourd'hui. Voilà. Ou peut-être c'était pendant le film. Je sais pas. Écoute, le temps a passé. Ouais. T'as bien aimé toi les films Blade? Ouais, le premier, je l'avais bien aimé. Le deux, ça allait encore. Trinity, Oh, ouais, la Trinity, faut pourrait arrêter. dire D'ailleurs, film de tête. ouais, c'est un film claqué au sol aussi. Faut regarder le 1 et le 2. Après le 3, voilà, faut regarder parce que c'est la suite. Mais voilà. Le 1 et le 2, ouais, moi j'ai bien aimé les deux. Voilà. Pour l'instant, ça va. Je suis bon dans les caméos, là. Je me trompe pas. Mika. Ah, techniquement, on a eu un petit Hulk, même si ça compte pas Voilà. vraiment. Je vais continuer, mais j'ai pas fini. Il y a eu Channing Tatum en Gambit. Alors, t'en parlais. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur Channing Tatum en Gambit? Que justement le fait qu'il y ait eu beaucoup beaucoup de critiques vis-à-vis de Channing Tatum quand il avait été choisi pour jouer Gambit, puisqu'il a une fâcheuse tendance à jouer des personnages débiles à l'écran. C'est très régulier qu'il joue des personnages assez cons. Et je me demande si c'est pas pour ça que quand il le joue en étant un peu débile. Genre, vous aviez peur de ça, bah voilà. Ouais, alors, faut savoir, c'est que ce film n'a jamais passé la pré-production. Hein. Non, ce qui est vraiment dommage parce que ça aurait pu faire quelque chose d'intéressant sur le perso. Et sur le coup, je m'attendais absolument pas à le voir. Et le voir arriver à l'écran en Gambit avec le costume, que je trouve que le costume ne lui va pas. Notamment depuis qu'il a pris autant de masse musculaire par rapport à quand il était plus jeune. Et en plus, il faut savoir, c'est que lui, quand il a su qu'il allait potentiellement incarner Gambit, il avait appris le personnage par cœur. C'est-à-dire qu'il a lu tout ce qui est comme BD pour incarner le personnage. Et il avait dit que quand Gambit avait été annulé le film, bah après, avec tous les enfin, tout le travail qu'il avait fait pour essayer de s'appréhender le personnage, eh bien, il était dégoûté. Il regardait même plus de Marvel à la télé. Voilà. Ah bah je peux le comprendre, mais c'est pour ça que je disais donc tout à l'heure qu'il a remercié Ryan Reynolds en fait de lui avoir permis, après tout ce temps, d'enfin incarner Gambit à l'écran. Ah, et Et puis c'est agréable parce qu'il a vraiment le phrasé de Gambit. il parle un Il peu parle comme un super. con, je Il trouve, en parle. fait, la Ouais. plupart du Bon, c'est un temps. sorte de phrasé, hein, où il veut, voilà, un sorte de phrasé où il veut parler le plus nettement possible, mais en fait c'est tellement délirant que Mais bon, j'aime beaucoup il passe cette pour un phrase. idiot. Quand la plupart des autres leur dit oui, nous on avait notre univers, on s'est retrouvés ici, et qui dit ah non, non, moi je crois que je suis né ici, je crois qu'il n'y avait rien. Je crois qu'il y avait un. Mon En père ou ma fait, mère. Mon père est venu. ça en vrai, du fait que justement le film n'a jamais passé la post-prod, il a été directement balancé lui dans le vortex, pas de C'est film. ça, pas de film. Mais tu vois, regarde, en voyant ça, j'avais envie qu'ils en sortent un maintenant. J'ai envie qu'ils en sortent un. Écoute, on verra peut-être hein, si ça fonctionne bien. Après, il est bon dans le perso. Ou une série. Ou une série, tu sais. Après, pourquoi pas de le voir apprendre Gambit, hein, pourquoi pas. Il l'a bien joué, il était bien dans le personnage. Ouais. Et ça fait plaisir de voir même l'effet de ses pouvoirs et compagnie. Je trouvais ça super beau quand les cartes s'allumaient et pas juste s'enflammer ou quoi. Ouais, et puis même quand elles explosaient, c'était vraiment l'explosion. C'était pas C'était mal. rien à redire sur le Gambit en soi. Il fait des blagues un peu à la con qui m'ont bien fait rire aussi. Oui. Il en fait souvent d'ailleurs. C'est Gambit, quoi. D'ailleurs, vous pouvez revoir Gambit dans X-Men, les X-Men qu'ils ont sorti récemment. 92, je crois. C'est ça, hein. Je les ai vus il y a tellement longtemps. 97, voilà. 97. Toi, je les ai vus tellement longtemps que voilà. Il est dans X-Men la série 97. 92 et du coup dans le 97. 97, voilà. Justement, c'est aussi à cause de Gambit que j'aimerais voir le film en VO, voir s'il parle en français ou pas, comme en VO dans la série de Ouais. l'époque. Parce que c'est le personnage de Gambit, c'est Rémi Le Beau. C'est ça, on me nomme Rémi Le Beau. Ouais. Parce qu'il est beau. Ou pas. En tout cas, voilà. On a pour l'instant. Enfin. Quand tu vois Channing Tatum, quand je le vois arriver, ça, je fais ah, oh, Gambit, c'est énorme. Mais en même temps, voilà, ça donne envie de. Mais il y a une ref en disant, il fait une ref, hein, je crois encore une fois, quand tu dis il le remercie de l'avoir incarné, je crois qu'il y a une ref aussi dans le film. C'est pour ça, je vais aller le voir une deuxième fois. Je crois qu'il le remercie indirectement d'incarner le personnage. Je crois. Je vais essayer de le voir une deuxième fois pour. Bon, faut que j'y retourne aussi. Ouais. On a aussi Happy qui apparaît. Happy qui apparaît. Alors ça, c'est une grande surprise que Happy apparaisse, c'est lorsqu'en fait Deadpool va dans l'univers sur la Terre 616 pour essayer d'être recruté par les Avengers. On a une période de 5 minutes où il discute avec Happy, où il essaye d'être rentré dans les Avengers. Voilà, donc c'était voilà, c'est pas un petit caméo, quoi. Ça fait plaisir. Ouais, c'est pas celui qui m'a le plus surpris pour le coup. Non, moi non plus, mais bon, il était. L'autre, alors là, ça fait vraiment office de figuration, et t'en as parlé, c'était. Alors, pareil, pas vu venir, c'est Hulk, la présence de Hulk. Donc, en fait, Ouais. on a. Comme on disait tout à l'heure, c'est que Deadpool va d'univers en univers, et puis il voit Hulk. Il voit Deadpool, et en fait, il est en train de s'affronter avec Hulk, à mon souvenir, qui est juste derrière Deadpool, et qui d'un coup, qui tombe dans un tronc. Ouais, mais Je tu vois, crois. ce que je retiens surtout de cette scène, c'est quand tu vois le Wolverine arriver, et ça fait partie des trucs que je vais prendre un peu comme des caméos, ça va être les différentes incarnations qu'il y a eu de Wolverine posées. C'est que là, déjà, on a la putain de tenue jaune et marron classique de Wolverine, qui était magnifique, je trouve, à l'écran. Ouais. S'il apparaît, Et. justement. D'ailleurs, il te donne à chaque fois les rêves, Deadpool, à chaque fois qu'il va dans chaque univers. Quand il arrive là-dessus, qu'il dit oh, la tenue classique de tel dessinateur, machin, avant de voir le Hulk, et oui, en fait, il s'en prend une et ça la renvoie à travers son portail. Bon, on a en fait là sur les majeurs, sur les caméos que j'ai donnés pour la plupart, c'est quand même. C'est pour ça que je pense que c'est un hommage à la Fox, c'est que des personnages de la Fox généralement, à part Hulk et Happy. Le reste, c'est vraiment. Que des personnages de la Fox. Hein. On a aussi, alors là, lui, il fait office de figuration, c'est Dent de Sabre. Voilà. Qui fait pas long feu d'ailleurs. Voilà. Qui meurt en 2 secondes. Faut dire ce qui est. Je dois avouer que même si on t'attendait à un combat un peu dantesque, le fait qu'il clame en 2 secondes comme ça. C'était drôle. Et puis t'as Deadpool qui prend la tête. Oui, mais ça te montre aussi cette puissance monstre de Wolverine tel qu'il est à l'heure actuelle. C'est pas celui qui galérait à l'affronter. En 2 secondes, il lui tranche la tête. Fin. Même, ouais, fin, c'est, ouais, ils sont là en face de l'autre et bloum, voilà, c'est fait. On a, alors c'est pareil, Fox, hein, je crois qu'on l'avait vu dans le premier X-Men, à mon souvenir. Dans ça. Est-ce que c'est le même, oui, c'est le même acteur qui le joue. Acteur, oui. Ouais. Donc, on a Pyro aussi qu'on voit. Alors lui, il a un rôle quand même parce qu'il c'est le bras droit de Cassandra Nova et puis il joue un double jeu avec Paradox, voilà. Donc on le voit. Donc c'est le même acteur. J'avais tout de suite j'ai remarqué que c'était le même acteur qui revient dans la peau du personnage de Pyro et voilà, on l'avait vu dans X-Men 2 et X-Men l'affrontement final. J'ai regardé sur Disney+, et l'acteur était sur ces deux-là. Oui, dans le premier film, c'est pas le même acteur. Je ne l'ai pas vu dans d'autres X-Men. Non. Oui, c'est alors que c'est vous. Parce que j'ai regardé les génériques quand même du cast de chaque X-Men et j'avais vu qu'il était dans le 2 et dans l'affrontement final. Cet acteur, oui, ouais, c'est ça. Pyro, tu le vois dans le premier film, mais c'est pas le même acteur. Voilà. Donc lui, il ne fait pas forcément de figuration, mais j'arrive pas trop à quoi il sert. Parce qu'il meurt assez rapidement quand même. Ouais. Ouais, il est là jusqu'à la fin quand même. Hein. Ouais, mais bon, tu le vois combien de temps hein? Tout 30 secondes, quoi. Tu vois pas non plus. Au début, quand ils arrivent dans le néant, après, ils voient Cassandra et puis après, il essaie de la tuer. C'est ça, et petit passage où il appelle Paradox. Et puis, Paradox, voilà, ouais, voilà. Mais c'est pour ça que je reste persuadé que c'est il rend hommage à la Fox de la façon la plus large possible. Et on voit en fait aussi qu'elle est entourée de d'autres super vilains qui a intégré l'univers de la Fox. Alors, il y avait Azazel, qui est une sorte de diable rouge qui se projette, on avait vu. Tu avais Callisto, le fléau, etc. etc. Donc on a. Le fléau. Alors lui, il fait passer pour un gros idiot pour le truc, mais c'était drôle le fléau, comment ils l'ont chopé et tout. Je trouvais ça très drôle. Ouais. Mais voilà, on a vraiment voilà, et c'est pour ça que je reste persuadé que c'est quand même un film hommage pour voilà pour la fin en fait des X-Men chez la Fox et l'arrivée à Disney. On avait aussi Daphne Keane qui jouait dans Logan, qui jouait X-23. Tu saurais dire qui est X-23 pour les auditeurs? X-23, c'est la fille de Wolverine. Génétique. Dans les comics, c'est sa fille. En fait, on lui dit qu'elle a été créée en laboratoire, même dans les comics. Alors, dans les films, effectivement, elle a été créée en laboratoire sur la fille de Wolverine. Et ils l'ont juste... c'est une femelle par rapport à Wolverine, c'est la différence. Qui a les mêmes pouvoirs, qui a de l'adamantium uniquement. Par contre, elle a les griffes en adamantium. Et, elle en a deux et elle n'en a pas trois, les gens. Aussi. Deux mains, une au pied. Et normalement, son squelette n'est pas en adamantium dans les comics. Je crois pas je crois pas que le film dise qu'il y ait vraiment son squelette. Ils ont plus dans les films, mais dans les comics, en fait, on apprend plus tard que non, elle est bien sa fille légitime et non pas créée en fait en laboratoire. On lui a juste menti. Alors, déception quand même parce que je trouve qu'elle est mal utilisée dans le film, mal exploitée, vraiment mal. Est-ce que c'est X-23 de Logan? Est-ce que c'est un variant de X-23? Mais c'est regrettable quand même parce que ce personnage est tellement intéressant, notamment dans les comics, qu'il pourrait peut-être plus exploiter, tu vois. Là, elle n'a pas trop forcé pour que Logan se réveille, ils se mettent dans le coffre de la bagnole pour arriver. Enfin, voilà. Tu vois, tu n'avais pas l'impression qu'ils avaient de lien, même psychique, tu vois. Le problème après, c'est que c'est un film qui fait 2 heures et qu'il fallait tout enquiller en 2 heures. J'aurais bien aimé quel est son costume. Oui. Ça aurait été assez sympa, mais bon, on va pas trop en demander. Non, on va pas trop en demander, comme tu dis. mais en tout cas, moi, j'ai resté déçu. Voilà. Ils auraient pu faire mieux quand même en matière de prestations à son égard. En tout cas. Ouais, ils auraient pu. Après, dans les non-caméos, j'ai envie de te dire, J'ai quand même apprécié tous les noms qui sont donnés quand Deadpool essaie de savoir qui est présent. Genre, Ouais. Magneto, oui, on a Magneto. Fait, non, il est mort. Putain! Et que des petites phrases Ouais, comme ça. il n'y a que le casque du fléau qui Voilà. peut. Punisher, c'est censé y être, mais il est mort aussi. Enfin, y a beaucoup, beaucoup de noms qui sont donnés en fait, pour rappeler bah, tout l'univers de la Fox, notamment ce logo gigantesque de la Fox, perdu là Perdu aussi. dans le désert, ouais. Ouais, perdu dans le désert. Moi, tu le vois d'ailleurs. Tu le vois dès le départ quand Du coup, il avec le Wolverine qui l'envoie un peu, enfin le dans Deadpool qui l'envoie un peu chier plusieurs fois dans le film, va dire foutre la Fox. le. Ouais, c'est ça. Bah oui, le fameux coup de boule qui met au caméraman pour Caméraman. dire je suis chez Disney maintenant. Donc, ouais. Même si ça avait été donné aussi en ref, on a eu beaucoup de montage qui avait été fait. Le combat de Wolverine Deadpool, une partie, en tout cas quand ils se battent, que Wolverine esquive les coups, et le combat de Flash contre Peter Parker dans le premier film, ce sont les mêmes coups et les mêmes esquives. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ouais, je savais même pas. C'est en fait, tu avais un montage qui avait été fait où tu les voyais les deux en parallèle. Et effectivement, c'est un gros hommage parce que c'est exactement le même combat. Il esquive exactement de la même façon. D'accord. Voilà. Bah, regardez, il y a bien une vidéo sur YouTube qui doit le montrer, je pense. Oui, tu dois pouvoir trouver ça. Hein. On a aussi deux autres alors que j'ai pu voir. C'est par contre, d'ailleurs, il le dit, je crois, faut que vous regardiez Loki pour comprendre. Épisode 5, saison 1, je crois. Pour savoir qui est Elliot, donc on voit Elliot. Voilà. Il dit saison 1, épisode 5, je crois. C'est ça, est-ce que oui, c'est le Elliot de la saison 1, épisode 5 de la série Loki. Voilà, c'est ça. Donc pour Voilà. savoir qui est Elliot, donc Elliot. Seule question, qu'est-ce qu'ils font encore là? Moi, c'est vu ce qui m'a un peu choqué quand tu as fini Loki, et vu que c'est censé se passer après, au vu du TVA, qu'est-ce que font encore Elliot, vu que Elliot était. Après, t'es dans le 9 ans, quoi. Et oui, mais c'était celui qui demeure qui l'avait placé là. Ouais. Moi, à partir du moment où il n'y était plus, Elliot n'y était plus non plus. Bon, bah écoute, peut-être qu'on aura la réponse un jour. En tout cas, Elliot, ça reste Elliot, du coup, qu'il a pour manger. En fait, c'est une sorte de. Elle donne Cassandra des personnes en titre de sacrifice, en fait. C'est Voilà. ça, Mais il a l'air libre quand avec. même, parce que d'habitude, il protège la maison de celui qui demeure, mais là, il a l'air libre, il a l'air de se balader un peu dans tout le néant, donc c'est un peu bizarre. Mais. Voilà. Il a l'air d'être plus trop attaché, tu vois, à la demeure, du coup, maintenant, il serait libre dans l'univers du néant, en fait. C'est peut-être ça la réponse à Ouais, ta question. c'est possible, c'est possible. Parce qu'avant, on avait cru comprendre que c'était genre le chien de garde du lieu où demeure celui qui demeure, mais on a l'impression que là, peut-être depuis que maintenant que celui qui demeure est mort, bah maintenant Elliot, il a plus de raison de rester là. Et donc il se balade de manière libre. Voilà. Ouais. Ou alors c'est un variant de Daliot. Je pense pas. Mais en fait, je pense que la réponse à ta question, c'est du fait qu'il paraît libre maintenant. Peut-être qu'il a toujours été là, jusqu'à maintenant, il est libre. Peut-être qu'il était coincé avec celui qui demeure, et depuis qu'il est mort, il n'y est plus. Voilà. Je pense que c'est la réponse à ta question. On a aussi une référence. Ben, on voit B15 aussi, B15, qui était agent au TVA et qui, sans l'avoir pris quand même un bon galon, hein, C'est sans la doute suite aux événements de la saison 2 de Loki. visiblement Donc. c'est la nouvelle directrice La de directrice, ou du moins, elle doit avoir la même voix qu'un directeur ou sous-directeur, en tout cas. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai presque terminé pour les caméos. C'est déjà pas mal. Et le dernier que j'ai. Enfin, il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la Deadpool Corp, qu'on voit vers la fin, où Cassandra Nova, je crois qu'elle les mandate pour la protéger, je crois, pendant qu'elle fait ce qu'elle doit faire avec la machine. Ouais, Qui tue les univers. Hein? c'est ça, l'effet intervenir. Voilà. Voilà. Donc il y a quelques. Donc on voit Lady Deadpool, donc, qui est jouée par la femme de Ryan Reynolds, du coup, Blake Lively. Elle fait la voix. C'est elle qui double Deadpool. C'est elle, Elle fait la Jennifer voix, Nipple. ok. Il y a Matthew McConaughey qui lui fait la voix au Cowboy Deadpool. Il y avait alors Dogpool, qui était un running gag, qui était assez drôle. Voilà. Faut dire ce qui est. Ouais, qui a été donc du coup cette chienne a été choisie directement par Ryan Reynolds parce Ouais. qu'elle était la gagnante du concours du chien le plus moche des États-Unis et en fait il l'a récupérée pour le film. C'est tellement drôle l'interaction qu'a Deadpool avec ce chien, c'est trop drôle. Et dégueulasse, c'est en passant. Mais c'est. Voilà. Il y avait Kidpool, il y Ouais, avait Headpool. donc à savoir que Kid Pool est joué par la fille de Deadpool qui est dans le costume. Par là? C'est ça, la fille de Ryan Reynolds qui le joue. Oui, En costume. de Reynolds. Non, c'était pas. Non, c'est pas le frère de Tom Holland. Non, pas Kid Pool. Kid Pool, Attends, c'est je vais regarder. Kid Pool, Je c'est suis sa quasi. source. T'es Tom Holland sûr? est un des variants de son Le frère. frère de Tom. Attends, je suis en train de taper sur Internet, je vais voir. Mais je crois qu'il avait un rôle, le frère de Tom Holland. C'est ça, il joue un des variants de Deadpool. Même Ryan Reynolds, c'était. Attends, Ryan Reynolds, c'était pas au courant. Alors. Anana. Alors, il jouait qui? Attends, il jouait qui? Il jouait qui? Je suis en train de regarder. C'est Harold Poole. Oui, mais en fait, c'est C'est un. le, c'est le, c'est pas le, le Deadpool des pays, du pays de Galles. Non, c'est un des classiques. Attends, je vais C'est regarder classique Harold. en costume normal, en fait. Ils étaient quand même plusieurs à avoir un costume juste de Deadpool, quoi. Harold Poole, je vois pas qui c'est. C'est juste un des. Ils l'ont appelé comme ça pour Harold Holland, en fait. Hein, D'accord, mais comment, c'est pour ça que je vois pas qui c'est. Tu le Mais vois pas c'est. du tout dans le film, qui c'est juste un des classiques Deadpool que tu vois. D'accord, ok. C'était juste un petit clin d'œil de l'avoir mis dedans. Tu en fait sa fille joue Kid Pool. C'est pour ça que c'est une fille et puis un garçon, Kid Pool. Ouais. Et son autre son petit qui est un bébé, je te laisse deviner qui il joue du coup. Ouais. Baby Pool. Baby Pool, C'est son bébé qui est dans le costume aussi. ouais. Ça, toute sa famille qui était Je suis en et train de voir. par contre ce légendaire moi qui m'a fait rire avec le Nice Pool. Oui. Qui du coup est joué par comment il s'appelle? C'est oh, putain Gordon Reynolds, le faux frère D'accord. jumeau Le faux de. frère. Oui, parce qu'en fait il n'a pas de frère jumeau, Non, il n'y a mais pas de frère. c'est une grosse connerie de Ryan Reynolds, c'est de créer un jeu jumeau qui s'appelle Gordon Reynolds. Et du coup, en fait, il est intégré au film Nice Pool, au générique, c'est Gordon Reynolds qui le joue. Je suis en train de voir. Il y a bien Deadpool Pays de Galles, là. Oui, il y en Tu a un. vois, il est bien là, ouais. Est-ce que j'ai une image, je le vois. Tu Attends, as tous les Deadpool qui sont sortis, hein, ouais. le D'ailleurs, Deadpool. mention spéciale pour cette scène en fait où lui et Wolverine combattent tous les Deadpool. C'est tellement drôle. Il manquait juste le Wolverine, je trouve. Ah, j'avais même pas qu'il y avait un Wolverine. J'ai Mais un. je sais pas si t'as vu l'affiche dans le bus avec Stan Lee dessus, non? T'as pas fait gaffe? J'ai pas fait gaffe, tu Bah, vois. ça m'a choqué. Moi, je me suis dit, tiens, on dirait Stan Lee sur l'affiche. Et en fait, il y a une affiche sur le bus, c'est Stan Lee. Voilà. J'ai pas fait Donc. attention, non, mais la Mais vu que je destruction. vais le revoir, je vais bien regarder. Mais pour moi, c'était Stan Lee Ouais, sur l'affiche chercher qu'il y avait du bus. partout. Mais le Deadpool Corp est sympa, mais je trouve que c'est un peu un cheveu sur la soupe qui arrive à la fin, où tu t'en bats un peu les couilles à ce niveau-là, presque. Ouais. Tu les vois, c'est sympa, le Deadpool est fun, ils sont tous drôles, mais c'est trop court et ils servent à rien finalement. Oui, je suis d'accord avec toi. En tout cas, un bon moment, ce Deadpool et Wolverine. Si, alors, ma déception, c'est X-23 parce qu'elle est mal exploitée et même sous-exploitée. Et mon autre déception, quand même, c'est le méchant, Cassandra Nova. J'ai. Voilà, fallait un. J'ai l'impression qu'il fallait un méchant globalement crédible. Donc, ils ont choisi elle. Je pense quand même, là où elle a été utile, c'est vu qu'elle a joué avec le multivers, avec la machine, puisqu'elle a ainsi détruit tous les univers, pour laisser que le néant. J'ai l'impression qu'elle va être une des causes aussi, tu sais, de Secret War, à manipuler, à jouer avec les univers. C'est possible. D'ailleurs, tu la vois disparaître, mais rien ne dit qu'elle est morte, surtout. Oui, c'est vrai. À l'écran, il n'y a pas de mort. On va rester là-dessus. Mais honnêtement, c'est pas un méchant forcément charismatique, ils l'ont eu assez facilement. Faut dire ce qui est. Même dans le soi, on peut même pas dire qu'elle était si méchante que ça. Hein. Non. Tu te dis. J'ai l'impression qu'ils ont un problème avec les méchants en ce moment. Gardien de la Galaxie 3, c'était pas non plus super méchant. Enfin voilà. J'ai l'impression qu'ils ont quand même quelques problèmes à trouver des bons méchants. Alors, il y Ouais. avait un méchant qu'ils pensaient faire dans l'histoire, c'était Mephisto, ce que j'ai pu comprendre. Ils avaient envisagé de mettre Mephisto dans le film. Ça aurait De été ce pour que l'avoir j'ai pu. depuis le début, ça, à chaque fois que Ouais, bah je il sais marche. pas, de ce que j'ai pu comprendre, ils avaient pris quand même ça sérieusement au début. Bon, après Cassandra Nova, ok, bon, c'est la frère de Charles Xavier, la sœur de Charles Xavier, mais sœur jumelle. Plus Mais pour la l'univers Fox, en fait, je pense surtout. Ouais. Oui, c'est pour ça que je disais que pour moi, c'est un film qui est aussi un hommage à l'univers de la Fox. Parce que là, je pense que c'est fini. Ils disent qu'il y aura plus, il y a plus Deadpool ne sera plus. Enfin, ils ont dit qu'il n'y a plus aucun film du MCU qui sera R-rated maintenant. Donc, ils ont dit qu'il n'y en aurait plus. C'était le dernier. Je pense pas. Bah, je sais pas, ils l'ont dit. Je pense pas. Je pense qu'il va y avoir plus de R-rated au vu de comment il marche ce film. Ah, bah écoute, peut-être que. J'ai beaucoup d'exemples. Ah, je sais pas, ils avaient l'air de dire que c'était fini. Hein. Ah, on verra ce qui viendra. Mais je pense pas qu'il s'arrête là, honnêtement. À ton avis, à quel moment on va le revoir, Deadpool, avec Wolverine? Je te dis, moi, je suis pas sûr qu'on les revoie avant Secret Wars. Alors, Est-ce que tu penses pas qu'on reverra Wolverine avant Deadpool? Alors, peut-être, mais je suis pas sûr, et pas sûr qu'on revoie Hugh Jackman en Wolverine, surtout, avant de le revoir comme ça. Ouais. Parce Parce qu'il y a une que... sacrée rumeur, il y a quand même une sacrée rumeur qui dure sur les prochains. Enfin, qui commence Ah, à sortir quand même sur la future équipe des Avengers quand même. ouais, mais comment on sait à quel point ils changent très vite DVD chez Marvel en fonction de ce qui marche et ce qui marche pas. Je pense que le fait que ce film-là est en train de très très bien marcher va faire des gros changements dans la continuité des films. Il n'y a qu'à voir là les changements qu'il y a eu par rapport à Kang et compagnie de mettre finalement ce cher Robert Downey Jr. De retour. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. À mon avis, le R-rated va réapparaître, enfin, va apparaître sur d'autres films du fait que celui-là ait marché. Et je pense qu'ils vont peut-être accélérer les choses au niveau des X-Men et compagnie, ce qu'ils avaient un peu ralenti pour les faire peut-être réapparaître plus tôt. Je sais pas trop. Après, comme d'habitude, il y a trop de changements de plan. Puis là, le San Diego Comic Con nous en a pas beaucoup appris non plus sur la continuité de ce qu'il allait avoir. Oui. En tout cas, si quand je reprends les rumeurs qui ont l'air sérieuses sur la prochaine équipe des Avengers, on a Captain America, ce qui est normal, Captain Marvel, Falcon, Hulk, Wong, Valkyrie, Shang-Chi, Cathy, Ant-Man, la Guêpe. Voilà. On aurait cela. Donc voilà. On joue pas. Enfin, c'est la rumeur. Après, c'est les rumeurs. Hein, faut prendre. Enfin, ça reste des rumeurs. Donc. Ça peut changer très vite Ouais, selon. parce que tu vois, dans la liste, il n'y a pas Doctor Strange. J'ai du mal à voir Doctor Strange sans faire partie des Avengers. Je pense que Wolverine a moyen de l'être. Ouais, mais Deadpool a plus, moyen de l'être aussi. ils n'iront pas les mettre dedans, comme le fait qu'ils tapent un Young Avengers, ils vont pas utiliser Spider-Man et autres dedans, puisqu'ils vont être dans les Young Avengers. Je pense que ça va surtout être. Ils essayent un peu de séparer, je pense, pour créer différents petits. Un petit groupe d'Avengers, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, pour leur film Faire de ce plein de genre. petits groupes, plein de petits groupes. Et Ouais, c'est les vrai. Dark Avengers, Film etc. plutôt que. Je pense que Thunderbolt va peut-être servir aussi de. Bah, ils ont l'air de prendre ce film au sérieux quand même, parce que quand tu vois tout l'investissement qu'ils ont dedans en ce moment, dans Thunderbolt, t'as l'impression qu'ils vont donner. C'est un peu la Suicide Squad du DC Comics quand même. Ouais, mais je pense, comme je t'ai dit, qu'ils vont peut-être tenter un petit test bêta. Tu vas voir comment marcherait une deuxième équipe à l'écran vis-à-vis du public. Oui, parce qu'ils veulent faire aussi notre équipe avec Blade, avec Moon Knight, avec Black Knight. Sais plus comment il s'appelle, Sun. Ah oui, c'est bah, les Midnight Sun. Ouais, Voilà. Midnight Sun. Mais les Midnight Sun, il faut que Doctor Strange dedans, parce que c'est un peu difficile d'avoir les Midnight Sun sans Doctor Strange, donc tu vois. Donc. Ce qu'ils en feront, comme j'ai dit, de toute façon, il y a tellement de trucs de prévus que je pense qu'ils sont un peu perdus aussi sur ce qu'ils allaient faire. Bon, en tout cas, on verra, mais. En tout cas, c'est un bon film. J'ai du mal à voir, en fait, enfin, en regardant le film, la seule chose que je me dis, le véritable lien avec le MCU, c'est la TVA. Enfin, le TVA, pardon. L'autre lien, c'est le fait que Cassandra joue avec les multivers, puisqu'elle essaye de d'annihiler tous les univers pour laisser le sien qui est le néant. Voilà. Pour moi, voilà, ça reste du MCU, mais Deadpool et Wolverine, quand on regarde bien, c'est pas. Tu peux quand même pas forcément dire qu'il y a un. Qui a comment des références constamment au MCU, quoi. À part le TVA et. Le film a servi à les intégrer parce qu'au final, Voilà. on voit énormément de passages des films Avengers et autres. Je pense que c'est plus pour l'intégrer dedans et te montrer un peu que voilà, maintenant ils sont là. On va voir ce qu'ils en feront parce qu'ils sont toujours pas dans le 616. Hein. Non. Donc, à voir ce qu'ils en feront. Par contre, Du coup, je me dis que c'est pas du coup le fauve qu'on a vu dans Captain Marvel 2. Je me demande, ça, du coup, c'est un autre univers, c'est pas le même que Wolverine. je ne sais pas, ça peut être celui de cet univers-là, ce qui ferait que Wolverine en fait pourrait intégrer cette équipe-là des X-Men. Bah, ils n'en ont plus, pour le coup. Je me dis. Je sais plus ce que je voulais dire, je suis coupé. C'est pas grave. Ouais, sinon, ça peut être un autre univers, essentiellement, puisqu'effectivement, quand on voit des Marvels, tu vois que c'est un univers parallèle, donc c'est pas l'univers du MCU. Donc, à voir ce qu'ils vont faire. Tu avais une rumeur qui te disait que l'équipe X-Men qui voulait mettre en place en live, c'était les X-Men de la série X-Men 97, mais en version live. Et que ce soit les mêmes personnages que tu vois en dessin animé et en live, ce sont les mêmes. Donc, même donc à voir pourquoi pas s'ils font un truc comme ça. Mais c'est couillu pour en arriver là, hein, parce que. C'est couillu. Ils ont de la couille. En tout cas, bon film. Voilà. Deux déceptions quand même, moi, c'est X-23 et La Méchante. Et toi, t'as quand même quelques déceptions ou pas? Ouais, le fait que le film se passe quasiment en totalité dans le vortex. Ouais, dans le néant. Et que tu vois finalement pas grand-chose, parce qu'à part dans les deux rues où tu vois le film et le vortex, c'est trop réduit au niveau du tournage, quoi, je trouve. Tu vois Ouais. rien, finalement, il n'y a pas de. C'est Ça un peu. voyage pas assez. C'est ça, c'est un peu ce qui m'a déçu. Bah, ouais, tu vois un peu ce début où il voyage un peu dans d'autres univers, puis hop, on est bloqué sur les mêmes coins. J'avoue que ça m'a un petit peu déçu, ça. Parce que bon, le scénario est pas non plus. Non, faut pas attendre un gros scénar, mais c'est un bon divertissement et ça reste quand même un bon film Marvel. Voilà, Oui, c'est pas le meilleur, ça c'est clair. je reste Mais après sur. toutes les daubes qu'ils nous ont sorties, ça fait du bien. Ouais, j'avoue. Mais après, je trouve qu'il y a quelques incohérences aussi qui m'ont un peu gêné. Donc, voilà, c'était un peu ce qui me saoulait un peu par rapport à ce Wolverine, justement. Il est censé être décédé en 2029, Logan. Si le film se passe en 2029, tu n'as aucune idée de la date à laquelle se passe Deadpool. Oui, ah oui, c'est vrai. Bah oui. Donc, ça a l'air d'être techniquement Et même, avant. je trouve que c'est mal exploité, ce qu'il dit que c'est pire des Wolverines, mais tu sais pas trop pourquoi. Tu comprends Finalement, que en t'expliques fait, son. il a laissé ses potes mourir, il n'était pas présent. Alors enfin, tu vois, tu sais C'est pas parti trop pour. pourquoi. Je te dis, c'est le pire des Wolverines parce qu'il était au bar en train de se bourrer la gueule quand ils se sont tous fait tuer et qu'il est revenu et qu'il a tué tout le monde. Tous ceux qui avaient Ouais. tué les X-Men. Et c'est pour ça que Finalement. est-ce qu'il garde pas pour l'exploiter dans un autre. Je sais pas. Moi, je m'attendais à autre chose, en fait, que d'histoire que ça. Parce que finalement, bon, bah, il était juste parti boire un coup et quand il est revenu, ils se sont tous fait tuer et qu'il n'était pas vraiment pote avec eux, mais que ça lui a mis un coup, quoi. Bah, c'est ridicule, finalement, Oui, comme c'est mal histoire. exploité ça, c'est mal exploité. Et comme je t'ai dit, ce côté du bah, si ça se passe avant Logan, techniquement, si c'est le même univers, ça veut dire que Logan est toujours en vie, donc techniquement, il fait toujours partie des X-Men à cette époque-là. D'autant plus que quand Wolverine arrive chez Wade à la fin, bah, des X-Men, il y en a trois qui sont sur place. Puisque tu as Colossus, qui est un ami de Deadpool, du coup. Tu as Negasonic Teenage Warhead, qui fait partie des X-Men. Et techniquement parlant, tu as Yukio, sa copine, qui fait aussi partie du groupe. Donc, techniquement, oui, il peut rejoindre des X-Men tout de suite. Il y en a sur place. Mais techniquement, tu as toujours, si ça se passe avant Logan, bah, tu as toujours un Wolverine dans ce monde-là aussi. Ouais, j'ai Des pas fait trucs, gaffe, j'ai pas petites fait gaffe. qui m'ont un peu dérangé, tu vois, où. C'est niveau de temps, en fait, c'est une timeline, je trouve que c'est mal placé ou mal donné. Tu n'as pas de précision à ces données. Si tu dis que ça se passe après Wolverine, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il aurait pu y avoir d'X-Men non plus, quoi. Après, c'est. Ouais, je t'avouerai que là tu m'as, j'ai pas fait gaffe à ça. J'étais Voilà. concentré sur les caméos. Voilà. Ouais, c'est un des trucs qui m'a un peu gêné. Après. Ah si, c'est moi, c'est Cassandra Nova et puis X-23, très mal exploité. Voilà. Voilà, bon, Après, après. c'était sympa quand même. En fait, c'était un bon film, il se regarde. J'irai le voir une deuxième fois parce que je pense que j'ai dû rater des trucs. Et puis, vu que c'est un bon film de divertissement, ça fait du bien quand même Ouais, ça de fait. voir un. Après, Je. c'est après Captain Marvel avec The Marvel, ce qui a été. Mais non, c'était Après plutôt. ça, ouais, non, mais c'est bon. Alors, je reprendrai les termes de Elektra et de Blade en disant que ça leur donne une conclusion. C'est vrai en plus quand tu regardes ça conclut la trilogie pour Blade et puis mais ils sont pas morts de ce qu'on comprend, ils sont toujours là, Est-ce qu'ils vont revenir ? Ça conclut, je pense, leur histoire. Tu sais pas trop ce qu'ils viennent non plus. Ouais. C'est un peu un des trucs que j'ai trouvé gênant. Parce que, honnêtement, revoir Wesley Snipes en Blade, putain. En plus, il a la niaque. Hein. Il a la niaque. Et il était bien. En même temps, il était sportif, lui. Donc, du coup. Puis revoir, tu sais, son boomerang, c'est quand il le récupère en l'air. Là. Oh là là, c'était trop kiffant. Ouais. Parce que j'ai toujours cette scène-là où il est entouré de vampires et puis il est en son boomerang et puis. Tout le monde est là qui le récupère. Ça va du coup, je pense que c'est une référence à cette scène-là. C'était un film pour ça. Et il y a juste voilà, ce petit côté à la fin, pareil, quand tu vois Logan et X-23 donc chez Wade en te disant est-ce qu'ils sont là tout le temps Est-ce qu'ils sont juste là le temps d'un dîner parce que le TVA est sympa? Ou est-ce qu'ils ont intégré cet univers-là, puisque de toute façon, en faisant péter le putain, j'ai plus le nom de la machine à la con, là. J'ai plus le nom, tu vois, c'est pas ce qui nous a marqué le plus, du coup. Apparemment, ils disent que c'est un peu rebooté. C'est pas l'annihilateur de réalité, ou je sais pas quoi. Ouais, enfin bon, du coup, ça, le fait qu'il l'ait fait péter, ça a touché au temps, et du coup, ça a un peu rebooté leur univers, qui n'est plus en train de se détruire. Donc, est-ce que ça a intégré ce Wolverine-là dans cet univers-là, et du coup, la X-23 au passage? Tu sais, moi, j'ai une question qui laisse un peu en suspens comme ça pour te faire un happy ending. Après, moi, j'ai vraiment pris ce film-là comme un hommage à la Fox hein, aussi. Oui, non, mais des trucs sympas. Par contre, on est bien d'accord sur un truc, je pense. La relation entre Deadpool et sa meuf, on s'en branle tout le long du film. Ah ouais, c'était en trop, presque. Ça pouvait même être inexistant. Ça serait bien. Surtout qu'elle passe un peu pour une grosse connasse, excusez-moi du terme. Puisqu'il a quand même remonté le temps dans tous les sens et touché à tout pour la ramener à la vie. Et la reconnaissance qu'elle en a, c'est t'es un peu un con, tu bosses pas, je te quitte. Mmh. Oui. Mais bon, après, il faut se dire que. Il faut pas oublier que t'es dans l'univers de Deadpool, donc c'est normal que tu vois sa meuf aussi. Tu vois même l'aveugle aussi, pareil. Enfin, je vois pas la. Elle sert à rien non plus. Si. Un brin d'humour pour dire tu veux de la Blanche-Neige pour Disney, mais attends, ils savent ce que c'est la Disney, ils savent l'argot. Voilà. Je trouve qu'elle sert moins à rien finalement que Vanessa, qui elle sert pour le coup vraiment, vraiment à rien. Limite, et Peter, moi j'ai trouvé qu'il était utile, il était tellement drôle en costume Deadpool Moule Beat. Il y a tout le monde qui est content de le voir. Bah quoi, t'as encore ton Peter, toi, nous, il est tous mort et tout chez nous. Ils sont tellement tous contents, du coup, c'est la fin de la bagarre. C'est Peter qui est Michel. C'est ça, écoutez-moi, on écoute toujours Peter. Quoi? Ça, c'était tordant, ça. Oui. En plus, il arrive, tu sais, avec son costume qui le moule et tu vois. C'est l'ancien costume de Deadpool, du coup. Oui. Il dit Deadpool, stop, arrêtez. Tout le monde se tait. La scène où il a son nouveau costume, où il se fait toucher les couilles, le cul, H24. Ah ouais, c'était drôle. Quand il dit votre costume, il est un peu pervers, non? Ça, par contre, tu vois, pour moi, j'ai eu l'impression, la manière dont il montrait, tu sais, comme ça moule le cul et tout, ça faisait presque Batman et Robin, tu sais, sur leur cul, leur machin et tout. Oui, mais tu sais, à chaque fois qu'il mettait un vêtement, il lui claquait le cul, c'est genre il met un gant, clac, une chaussette, clac. Quand il arrive, non, mais je pense que c'est un gros pervers sexuel. Non, pas cette personne, mais. C'est dangereux quand même. Oui, mais il n'y a que dans Deadpool que tu vois ça. Tu verrais pas ça dans Captain America, dans Iron Man et tout. Hein. Voilà. Il n'y a que dans un film Deadpool que tu peux faire ça. Oui, mais ils se sont bien. Alors que Captain America qui dit qu'il y a le plus beau cul de l'Amérique, si tu veux, voilà, tu te dis c'est plutôt lui que tu fesserais. Mais non, c'était Deadpool qui a été fessé plusieurs fois. D'ailleurs, il aurait dû mettre une claque au cul à Chris Evans en lui disant effectivement le plus beau cul, tu vois. Ah oui, ça aurait été drôle dans la blague. Dans la blague, ça aurait été drôle. Voilà. Bon, merci Mika, très gentil d'avoir participé à ce podcast qui a duré 1h10 quand même, c'est pas mal. Hein, comme un petit podcast chill, c'était sympa. Donc, allez voir Deadpool et Wolverine, je pense qu'on peut le dire. Voilà, vous avez passé un bon moment. Bon, après, une deuxième fois plutôt, parce que les gens qui nous ont écoutés, je pense qu'ils l'ont déjà vu. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous les réseaux habituels pour qu'on puisse savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast, parce que sache que mon petit Mika, on est entre 2000 et 3000 écoutes en ce moment. Voilà, donc c'est plutôt agréable. Voilà. Merci en tout cas de votre écoute. Mika va toujours sur Instagram, mais bon, plus de photos de tatouage, parce qu'il n'a plus de place sur son corps, je pense. Voilà. Il a pas encore. Ah, si, il en a un nouveau. Attendez, je vais regarder en direct. Hein, c'est quoi? C'est un dragon? On dirait Godzilla. Camille. C'est quoi? C'est qui? Camille, le jeu au Camille. D'accord, ok, je ne connais pas. Ah oui, le jeu Kami, c'est le jeu de cartes japonais. Kami. J'ai pas compris. Répète. Oui. Kami. Oh, Kami, ça veut dire Oh, loup. Kami, ok, parce qu'il y a un jeu de, je crois, de cartes japonais qui s'appelle le Kami. D'accord, ok. Bon, en tout cas, il a un beau tatouage. Il faudrait que tu le prennes en photo et le mettes sur ton Insta, du coup. Ouais, je l'ai mis en story, mais je le posterai. En tout cas, merci Mika. Je pense qu'on se reverra après les annonces de la D23, parce que je pense qu'ils vont annoncer pas mal de choses pour Marvel. Voilà, et puis avant que je parte à Orlando, puisque je pars à Orlando. Disney World. Oh. Bah, attends, ouais. Mais il n'y a pas de Marvel là-bas, il n'y a que du Star Wars. Donc voilà. Donc, voilà. Donc, mais c'est bien aussi. C'est Voilà. de la diapolite. The Acolyte. On doit en faire un, mais il y en a un qui est parti déjà à Orlando. Donc on peut pas le faire tout de suite. Donc, tu l'as vu, The Acolyte, ou pas? Deux épisodes, ça m'a suffi. Ah, pourtant. Alors tu vois, les deux, le troisième, il m'a gavé, mais après j'ai bien aimé. Ouais. C'est peut-être un jour. Ouais, non mais sérieusement en plus. Hein. Et moi le deuxième et troisième, il m'a gavé. Le troisième il m'a surtout gavé. Et après, ça a été, franchement. Donc voilà. En tout cas, merci de votre écoute. Merci Mika d'avoir été là. On va se rejoindre. Donc on va se retrouver pour un débrief de la D23 sur Marvel. Puisqu'à mon avis, il y aura beaucoup d'annonces, je pense, sur le futur du MCU. Voilà, et je pense que j'espère, surtout depuis cette belle annonce qu'on a eue, que Doctor Doom sera joué par Robert Downey Jr. Donc, on l'attendait en Iron Man en retour, mais apparemment, ça serait en Doctor Doom. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur le choix d'acteur et puis l'arrivée de Doctor Doom. Et je crois que c'est la fin de Kang, de ce que j'ai compris. Ils ont abandonné Kang, littéralement. Donc, voilà. Ce qui est, je pense, une bonne idée au final. Voilà. On en parlera lors du débrief de la D23. Sur ce, les gens, merci beaucoup. Bye. Bye.